Et alors? Nous sommes des Anglais, il me semble. Qui est-ce qui commande dans ce pays? Nous. Nous avons la loi pour nous. Ils n'oseront jamais nous faire un procès. Et même dans ce cas, quel juge anglais prendrait parti contre nous? Il nous suffira de dire qu'on allait la marier de force avec un homme dont elle ne voulait pas et qu'elle est venue se réfugier chez nous. De toute manière, personne n'en saura rien. Nous la cacherons. Cette semaine, Bollywood sera versus... Belle! Bonjour, je rapporte le livre que je vous ai emprunté. Comment ça déjà? Oh, je l'ai dévoré en une nuit. Vous avez quelque chose d'autre? Depuis hier, non, hélas. Ça ne fait rien. Je prendrai... celui-là. Celui-là? Mais tu l'as déjà lu deux fois. C'est mon préféré. J'aime les romans de capes et d'épées, plein de magie et de princes ensorcelés. Eh bien, si tu l'aimes tellement, je t'en fais cadeau. Mais monsieur... J'insiste. Oh, merci. Merci infiniment. Voilà! टल्ली है सारे आज टांग उठा के बोंजूर à tous les auditeurs, bonjour à toutes les auditrices et bonjour Mélanie. Bonjour tout le monde, bonjour Julie. Alors, aujourd'hui, un épisode exceptionnel parce que cette fois, nous ne sommes pas à distance, Mélanie et moi. Bon, vous l'aurez sûrement remarqué, on a des petits soucis souvent de son et de micro pour la simple et bonne raison que Mélanie et moi habitons depuis maintenant plusieurs années à 400 km l'une de l'autre minimum et que là nous nous revoyons enfin depuis 4 mois et demi et donc nous sommes très heureuses de pouvoir faire un épisode ensemble. Et oui, ça y est, c'est le tout premier épisode qu'on peut enfin enregistrer ensemble, alléluia. Exactement. Et donc pour le coup, on fait un épisode particulier puisque maintenant que l'été a bien démarré, hein, nous sommes quand même en juillet, c'est la période où il est sympa de se faire des petites lectures. Bon, Mélanie, en temps normal déjà, elle lit énormément. Je pense que tu peux nous raconter ton rapport à la lecture qui est à la limite de l'addiction, je pense. Pas du tout, mais alors pas du tout. J'ai juste une centaine de livres à lire dans ma pile, quoi. Enfin, c'est pas énorme non plus, je veux dire. Il y a d'autres gens comme moi, je le sais. Oui, mais ça prend de la place. Mais j'ai de la place. Bien sûr. Bref, et de mon côté, en fait, ça fait depuis longtemps, en fait, que j'ai un peu perdu l'habitude de lire parce que je passe déjà mes journées à lire des publications scientifiques. Donc, quand je rentre chez moi, je n'ai plus trop envie de m'atteler à la lecture. Et donc, mon petit plaisir, peut-être comme vous, c'est de lire l'été, de profiter quand enfin je suis en vacances, de me ressortir un livre et de me plonger dedans. Donc, du coup, dans cet épisode, on ne va pas parler Bollywood, on va parler lecture sur le thème de l'Inde. Peut-être que ça vous inspirera, peut-être que ça vous transportera pendant vos vacances. En tout cas, dans cet épisode, on va vous parler de 4 livres, 2 que l'on ne connaît pas encore et 2 qui ont déjà été lus. Et voilà, on espère que ça va peut-être vous inspirer. Mais oui, espérons-le. Donc, on va démarrer avec ma lecture de cet été, pour laquelle bah, peut-être qu'on vous tiendra au courant d'ailleurs sur Instagram de ce que donne cette lecture. Donc moi, je vais m'attaquer à un bouquin qui s'appelle « L'attaque du Calcutta d'Arjeling » de Abir Mukherjee. Et non, ce n'est pas un enfant caché de Rani Mukherjee, qui est un livre sorti en 2016. Et son titre VO, c'est « A Rising Man ». Alors, je vais préciser à chaque fois les titres VO, parce que peut-être que vous aimez lire en anglais. D'ailleurs, un des ouvrages dont on discutera dans cet épisode est en anglais. Et la simple et bonne raison, c'est que souvent, il y a quand même une grosse différence entre le titre VF et le titre VO. Et c'est là, je pense, qu'on peut voir les bons et les mauvais traducteurs. Mais on va en parler dans un autre livre, un peu plus tard. Vous verrez, j'ai des choses à dire. Donc, je vais vous raconter donc, le synopsis de ce livre. 1919. La Grande Guerre vient de se terminer en Europe. Après cette parenthèse éprouvante, certains Britanniques espèrent retrouver fortune et grandeur dans les lointains pays de l'Empire, et tout particulièrement en Inde. Ancien de Scotland Yard, le capitaine Wyndham débarque à Calcutta et découvre que la ville possède toutes les qualités requises pour tuer un Britannique. Chaleur moite, eau frelatée, insectes pernicieux, et surtout, bien plus redoutable, la haine croissante des indigènes envers les colons. Est-ce cette haine qui a conduit à l'assassinat d'un haut fonctionnaire dans une ruelle malfamée à proximité? D'un bordel? Qu'est-ce que va tenter de découvrir Wyndham, épaulé par un officier indien, le sergent Banerjee? De fumeries d'opium en villa coloniale, Du bureau du vice-gouverneur au wagon d'un train postal, il lui faudra déployer tout son talent de déduction et avaler quelques couleuvres avant de réussir à démêler cet imbroglio infernal. Alors on va démarrer avec quelques petites infos quand même sur cet auteur. Donc Abhay Mukherjee, c'est un romancier qui est britannique et d'origine indienne et qui est déjà auteur de 4 romans qui ont tous obtenu des récompenses littéraires. Donc ma foi, ça donne plutôt confiance. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah oui, bah déjà c'est bien parti. D'ailleurs, est-ce que le synopsis t'a donné envie? Franchement, oui. Tu trouves pas qu'il y a un petit côté... Alors, en fait, finalement, on passe du crime de l'Orient Express à l'attaque du Calcutta Darjeeling, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, c'est un train de luxe également. Donc, peut-être que finalement, on va avoir une ambiance un peu à la Hercule Poirot. Ah bah, si c'est Hercule Poirot, j'achète, hein. Ouais, je sais que c'est vraiment le genre de truc qui te donne envie. Ah, grave. Et donc, ce livre en question, donc, c'est le premier d'une saga... qui, moi, m'a donné bien envie parce que, en fait, elle se déroule entre 1919 et 1922. Donc, si jamais ce premier tome m'inspire, bah, ma foi, je pourrais me lancer dans la suite. Donc, vous l'aurez compris, on est en période de Raj britannique. Et ce bouquin a obtenu une récompense qui est le Gold Dagger Award, qui est un prix littéraire britannique décerné au meilleur roman policier de l'année. Donc, voilà. Et bah écoute, ça donne plutôt envie. Donc, tu nous donneras ton avis alors au cours de l'été. Exactement. Et pour voir un petit peu ce que ça va donner, je vous propose de vous lire un petit extrait. Il s'agit de la toute première page du roman. On va la découvrir ensemble, comme ça je ne me spoil pas trop. Et voilà, qui sait, peut-être que ça va tout de suite nous mettre dans l'ambiance. Mercredi 9 avril 1919. Au moins, il est bien habillé. Cravate noire, smoking, tout le tremblement. Si vous devez vous faire tuer, autant laisser de vous l'image la plus flatteuse. La puanteur qui se plante dans ma gorge me fait tousser. Dans quelques heures, elle va devenir intolérable, assez forte pour retourner l'estomac d'un poissonnier de Calcutta. Je sors de ma poche un paquet de capstans, j'en tapote une, je l'allume, et j'inhale en laissant la fumée douce nettoyer mes poumons. La mort sent plus mauvais sous les tropiques, comme la plupart des choses. Il a été découvert par un petit vigile décharné au cours d'une de ses rondes. Le pauvre a failli en mourir de peur. Une heure plus tard, il tremble encore. Il l'a découvert gisant dans une impasse sombre, ce que les gens du lieu appellent « gouli ». Je présume que ça se prononce « gouli ». Bordé sur 3 côtés par des bâtiments délabrés, où le ciel n'est visible qu'en regardant en l'air et en se dévissant le cou. Le gamin doit avoir de bons yeux pour l'avoir repéré dans le noir. Mais peut-être s'est-il simplement fié à son nez. Oh. En tout cas, on voit qu'on est directement plongé dans l'action. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mise en place. Le cadavre, il est déjà là. L'inspecteur, il est déjà là. Ma foi, ça me paraît plutôt pas mal, non? Ouais, c'est un bon début. Peut-être que je te le piquerai à l'occasion. Quand tu l'auras lu. Ouais, et du coup, de ce que j'ai vu, puisque là, effectivement, il y a le terme gouli qui est en italique, qui, je suppose, se prononce comme ça, j'ai vu qu'à la fin du livre, il y a tout un glossaire avec des termes en hindi qui seront, je suppose, disséminés dans le roman et qui permettront de savoir, en fait, à quoi ça fait référence. Et c'est plutôt pas mal, je trouve, de se faire comme ça, se familiariser à quelques mots d'hindi, c'est plutôt pas mal. Ouais, je suis assez d'accord, puisque comme ça te permet d'apprendre un petit peu aussi. C'est pas mal. Et t'es plus plongé dans l'ambiance. Ouais, c'est vrai. C'est plus immersif. Exactement. Bon, eh bien, on espère que ce bouquin-là vous aura donné envie. On va s'attaquer maintenant à un autre roman qu'on n'a pas encore eu l'occasion de lire. Et cette fois, c'est Mélanie qui va s'y coller, puisque c'est l'un de ses nombreux livres planqués dans sa pile à lire. Voilà, elle l'a extirpé. Ouais, alors en fait, ce qu'il faut savoir, pour la petite histoire, c'est que ce livre, je l'ai trouvé dans une boîte à livres il y a quasiment un an, en me disant « Oh, une danse indienne !» et tout ça. En plus, je commençais vraiment à me familiariser avec Bollywood. Donc je me souviens que je l'avais pris en photo, je l'ai envoyé à Julie, que je lui ai dit « Ouais, regarde ce que j'ai trouvé, ça doit être trop bien !» et tout. Et je ne l'ai toujours pas lu. En même temps, avec une centaine de livres qui t'attendent, c'est compliqué. Ah, ça va, hein. Oh. Donc, Noce indienne, c'est un livre d'une autrice qui s'appelle Sharon Mass et qui est paru en 2000. En VO, c'est Of a Marriageable Age. C'est une autrice qui est née en Guyane britannique et donc qui a grandi entre la Guyane et l'Angleterre. Et en 1973, elle est partie s'installer en Inde. Elle est passée par l'Angleterre, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan. Elle a vécu 2 ans en Inde, donc la meuf, c'est plutôt une petite baroudeuse. Elle a quand même écrit 11 romans, ce qui est pas mal. 3 sur la Seconde Guerre mondiale, 3 sur le continent indien et une version du Mahabharata, qui est une épopée hindoue, qui à la base était en vers sur le roi Bharata. Et c'est un livre sacré, et ça fait partie des poèmes fondateurs de l'hindouisme. Et enfin, 4 basés en Guyane pendant la colonisation anglaise. Exactement, elle est très spécialisée romance. Hein. Si c'est votre délire, à chaque fois c'est voilà, c'est des romances historiques. Et c'est plutôt pas mal, je trouve qu'elle se soit inspirée de là où elle a vécu et grandi pour faire ses romans. En tout cas, moi j'aime bien ce genre d'univers. En plus, bah voilà, c'est dans des périodes qui souvent attirent un petit peu le lecteur entre le Raj britannique, l'Empire, l'anglais en Guyane aussi. C'est plutôt intéressant. Bah ouais, je trouve ça cool qu'elle s'inspire de ses voyages pour raconter ses histoires. Et puis, enfin, vu qu'elle connaît le coin, tu sais de quoi elle parle. Enfin, elle sait de quoi elle parle. Ouais, bah ouais. Et du coup, ces deux autres romans là qui sont aussi basés en Inde. Donc il y en a un qui s'appelle The Lost Daughter of India. Donc c'est sur une romance entre une Américaine, un Indien et puis la fille qu'ils vont avoir. Et le deuxième, c'est The Orphan of India, qui s'intéresse en fait à une orpheline indienne qui va être adoptée par des Anglais. Eh bien, écoutez, si Noces indiennes me plaît, peut-être que je lirai ses autres romans. En attendant, ben écoutez, je vais vous lire le résumé. Alors, à Madras, Savitri, la fille du cuisinier, et David, le fils du maître, jurent de s'aimer toujours en dépit de leurs parents qui veulent les séparer. Dans le Tamil Nadu, Nat quitte l'orphelinat, adoptée par un médecin blanc qui l'aime et le protège de ses propres démons. En Guyane britannique, Saroj, une jeune fille rebelle, se révolte contre un père violent qui entend lui imposer un mari dont elle ne veut pas. En faisant se rencontrer ces personnages en quête d'identité, Sharon Mas tisse un magnifique et émouvant canevas dans lequel se mêlent 3 époques, 3 continents et 3 histoires d'amour. Un grand roman indien plein de flammes et de couleurs. Wow. Moi, c'est le genre de truc qui m'intrigue toujours un peu. J'aime bien quand il y a plusieurs histoires qui se passent en même temps, mais tu sais qu'à un moment donné, les personnages, ils vont forcément être Ils avec vont se des histoires croiser. entremêlées, voilà, qui vont se croiser, et tu te dis, mais comment, pourquoi? Et là, ce qui est pas mal, c'est qu'on est dans différents styles. Bon, d'un côté, on est sur une romance, je pense, qui a fait pas mal fantasmer entre... Du coup, là, c'est entre une Indienne et un jeune maître britannique, donc le côté un peu interdit, tout ça. Après, c'est pas mal parce que du coup, il y a du tamoul, c'est ça? Du coup, il y en a un qui doit être... Il y a Ouais. Nat qui est tamoul, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah d'ailleurs, en plus, enfin, comme dans ton livre, à la fin, elle nous a fait un petit glossaire avec des mots en tamoul ou en hindi qui sont traduits. Donc c'est pareil, ça, je trouve que c'est assez cool. Ouais, ça permet de faire un petit peu sa culture. Ouais. Donc ouais, pourquoi pas. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Ah, on est tombé sur Lungi, donc ça fait penser à la Lungi Dans Dance de... Chennai Express. Exactement. Très bien. Bon, Et puis, alors. je vais vous lire un petit extrait. Ah bah oui, on veut savoir si c'est intéressant. Ce n'est pas bien qu'une fille fasse des études, et pire encore, avec ses sahibs. Bien qu'il n'eût que 17 ans, Mani éprouvait souvent le besoin d'énoncer des vérités quand son père manquait de le faire. Appa subissait trop l'influence de ses maîtres anglais. C'était par conséquent à Mani de parler, car bien qu'un fils dût obéir à son père, quand ce père s'engageait sur une mauvaise voie, son fils aîné se devait de le mettre en garde. Mais c'est une chance pour Gopal. Elle sera polluée s'il se mêle aux sahibs. Elle a déjà failli aux règles de sa caste. Du moment qu'elle ne mange pas avec eux, mais elle se mêle à eux. Sa réputation va en pâtir. Les gens commencent déjà à parler. Mais Gopal sera là. Il ne lui arrivera rien de mal. Il vaut mieux la marier tout de suite. Écrivons à l'oncle Madanlal, pardon, à Bombay. Demandons-lui d'entreprendre des démarches pour lui trouver un mari. Ensuite, il n'y aura qu'à l'envoyer à Bombay, chez son futur beau-père, et nous serons débarrassés de ce problème. C'est une bonne idée, mais prenons d'abord conseil auprès de Tata. Après tout, c'est l'éducation de Gopal qui est en jeu. Bon, on retombe sur une thématique qui est toujours vraie aujourd'hui, hein, l'éducation des jeunes filles, et puis... Le mariage arrangé. Ouais, et puis surtout le patriarcat, hein, les hommes de la famille qui décident pour tout le monde. Et on aime encore mieux cette espèce de grand frère qui visiblement veut se prendre pour chef de famille parce que son père n'est pas assez sévère. Hein. Ça, c'est prometteur, quoi. Ah bah oui, oui, oui. Bah on verra. Si j'ai le temps et la foi de le lire cet été, bah peut-être que je vous donnerai quelques petites indications sur Insta. Alors, pour vous dire, à peu près, il fait très exactement 571 pages. Ouais, c'est ouais. Un grand format, là. Oui, moi, je m'attendais à un livre de poche, mais non, c'est un format plutôt grand, un format A4. Ouais, aux éditions Flammarion, voilà, si vous voulez tout savoir. Donc, ouais, c'est quand même un petit pavé, mais si vous avez du temps cet été et que vous voulez lire, je pense qu'il peut se lire assez vite, en fait. Ouais, bah, l'attaque du Calcutta Darjeeling, il est à peu près de la même façon. C'est un format aussi, un grand format. Mais de toute façon, vous pourrez passer hein, sur notre page Insta, on vous mettra des photos en fait de chacun de ces livres, on vous refera une petite critique brève dessus, quelques infos. Voilà, si jamais il vous intéresse, vous pourrez aller voir là-bas. Donc maintenant, on va s'attaquer à des lectures qui ont déjà été faites. Donc pour le coup, les deux livres qu'il reste, en fait, c'est moi qui les ai lus. Donc ils sont tout à fait différents. On va démarrer encore avec un roman. Donc ce roman. Il s'agit de La fiancée de Bombay, qui a été écrit par Julia Gregson, et non pas Julie comme je l'ai marqué, c'est une... pas du tout, c'est Julia Gregson, qui est sortie en 2012. Et le titre VO, c'est East of the Sun, et donc c'est là qu'on voit qu'on est tout à fait raccord avec le titre français qui est La fiancée de Bombay. Hein. Ça n'a rien à voir. Et non seulement ça n'a rien à voir, mais le titre français n'a rien à voir avec le livre. Ah, c'est con, ça. Parce que je me souviens que j'avais pris ce livre et le problème, c'est qu'en fait, je ne sais pas pourquoi c'est fixé sur la fiancée de Bombay, puisqu'en fait, il y a une fiancée, mais ça tourne autour de trois femmes. Enfin, vous allez le comprendre quand je vais vous lire le synopsis. Et ça ne se passe pas qu'à Bombay. Donc, en fait, le titre est très mal fait. Et bon, je vais attaquer ma critique salée juste après. Je vais d'abord vous lire le synopsis. Automne 1928. Trois jeunes Anglaises embarquent sur un bateau à destination de l'Inde. Chacune a ses raisons de quitter l'Angleterre. Pour Viva, ce voyage est avant tout le moyen de revenir sur les traces de ses parents, morts à Bombay, alors qu'elle était enfant. Rose, ravissante jeune fille pleine de candeur, rejoint son futur mari, un officier colonial qu'elle connaît à peine. Victoria, sa demoiselle d'honneur, a l'imagination débordante et déterminée à perdre sa virginité au cours du voyage, puis à se trouver un époux aux Indes. Entre les rêves et les secrets qu'elles emportent, rien ne les a préparés à ce qui les attend. Délicieux cocktail d'aventure et de passion, La fiancée de Bombay a été lauréat en 2009 du Romantic Novel of the Year. Alors Mélanie, dis-moi tout, puisque moi je l'ai lu. Quand tu as un synopsis comme ça, est-ce que ça te donne envie? Est-ce que ça t'inspire? En fait, le problème, c'est que tu m'as fait tellement de mauvaises critiques là-dessus que tu ne peux pas le regarder d'un air neutre. Bah, après, c'est bien que ce soit des femmes qui soient mises en avant, que ce soit des héroïnes qui ont l'air déterminées à prendre leur vie en main. Enfin, sauf pour Rose qui en gros, fait un mariage arrangé. Mais peut-être que ça m'aurait tenté. Peut-être. Moi, à l'origine, un synopsis comme ça, c'est absolument ma came. Clair et net, je l'ai vu, c'était tout ce que j'avais envie de trouver. Donc, on est dans une période ancienne, on est dans les années 30, on est sous le Raj britannique. On va nous parler de trois femmes, c'est quand même trois héroïnes, ça change par rapport à d'habitude. Et je me dis, ok, chacune d'entre elles va vivre différemment l'Inde, ça va être le moment de pouvoir connaître un peu les us et coutumes de la société anglaise, entre le départ de l'Angleterre, le voyage jusqu'en Inde, et après comment tu t'adaptes, comment ça se passe, etc. Et en fait, ce livre est une catastrophe. C'est-à-dire que j'ai vu des bonnes critiques, et ce truc a eu quand même un prix. Et bon, après, c'est pas non plus le prix le plus ouf de l'année, hein, parce qu'on te parle du roman romantique. Bon, mais... Vraiment, c'est une cata. Et en fait, je suis partagée entre le fait de se dire que ce n'est que la faute de la traduction, puisqu'on a vu déjà que la traduction du titre est complètement hors sujet, complètement à côté de la plaque, et que vraiment, quand je l'ai lu, mais... Alors, soit c'est mal écrit de base et en plus ça a été mal traduit, soit ça a vraiment été traduit avec les pieds parce que la lecture est moche. Y a des... On passe d'un seul coup à du langage courant alors qu'on est quand même dans les années 30 avec une certaine façon de discuter. Bah, vous verrez dans un des extraits, c'est très bizarre, mais voilà. Et puis surtout, mais qu'est-ce qu'on se fait chier? C'est incroyable. Ce livre est d'une longueur parce qu'il ne se passe rien. Alors, éventuellement, on pourrait se dire que c'est justement là tout le génie de l'autrice. Peut-être qu'elle voulait nous faire ressentir à quel point la vie de ces femmes, à cette époque, était vide. Vide de sens, vide d'action, vide de... Enfin, la vacuité de leur vie, quoi. Ou alors, c'est qu'elle avait aucune idée parce qu'on se fait chier de A à Z. Alors, je vais un peu spoiler. Disparaissez si jamais vous voulez tenter votre chance sur cette lecture. Mais voilà, il se passe rien. Ces trois femmes, elles vont partir ensemble. Il y a Viva qui va devenir la chaperonne, en fait, de Rose et Victoria. Victoria qui, tout le long du film, pour aller plus vite, va s'appeler Thor. Alors, je suis désolée, mais quand vous voyez Thor tout le long du livre, vous êtes obligé de penser à un viking blondinet avec son marteau. C'est très compliqué. Et donc, en gros, Rose et Thor sont des BFF. D'un côté, on a Rose qui est très pure, qui a bien été éduquée à l'anglaise et tout, qu'on a mariée de loin avec un officier britannique et qu'elle va devoir rencontrer seulement sur place. Lui, qui a une maîtresse indienne, en plus, déjà dans son campement. Et voilà. Elle n'est pas très intéressante, son histoire avec son mari ne sera pas intéressante, il se passe rien. Mais vraiment, quand je vous dis qu'il se passe rien, c'est pas que je ne peux pas me rappeler d'événements, c'est qu'il ne se passe rien, ils se racontent leur vie, et puis c'est tout. Victoria, elle va passer son temps à réfléchir à son régime et à qui est-ce qu'elle pourrait choper, sauf qu'elle n'arrive pas à choper et qu'elle est très frivole et... Et voilà, ça va juste être ces histoires de « Oh, je suis sortie, j'ai fait du shopping, j'ai rencontré Toby, est-ce que je couche avec lui ou pas ? Oh, bah, je me suis pas protégée, peut-être que je suis enceinte. » Et bon, mais voilà. Et Viva, sur lequel on nous tease un secret depuis le début en disant « Ses parents sont morts, ça a l'air un peu mystérieux, elle revient là-bas alors qu'elle était partie un peu traumatisée, il y a un coffre, il faut qu'elle trouve un coffre. » Tout le livre, elle va passer son temps à essayer de se rapprocher du coffre. Ah oui, et entre deux, alors attendez, entre deux, elle va être dans une école avec des petits Indiens à qui elle va apprendre un petit peu, enfin, qu'elle va éduquer un petit peu, tu vois. Et on a un petit peu ce relent de « Oh là là, ils sont tellement heureux avec si peu et oh, comme ils sont mignons. » En fait, elle devient un peu Mère Teresa. Et quand enfin on approche de ce coffre, on se dit « Allez, il va y avoir un plot twist, il va y avoir un truc de dingue dans ce coffre. » Il n'y a rien dans le coffre. Il n'y a rien. Elle trouve juste des vieux tissus. C'est genre « Oh, ça c'était ma couette quand j'étais petite. Oh, deux, trois lettres. » Et puis c'est tout. Tout le long, on nous a teasé un mystère sur ce coffre. Il n'y a aucun mystère. Ah bah super. C'est... Et voilà. Et pour la petite histoire, en fait, ce livre, je l'ai lu deux fois. Je l'ai eu une première fois entre les mains, je l'avais détesté, et je l'ai laissé donc de côté. Et puis l'an dernier, je l'ai repris, donc genre 10 ans plus tard, en me disant « Oh bah quand même, je me souvenais plus de cette histoire, et pour cause, je me souvenais plus de rien, à part qu'il m'avait laissé un mauvais souvenir. » Je me suis dit « Bon, peut-être que j'étais pas assez adulte, peut-être que X ou Y raison. » Ah bah non, au fur et à mesure où je l'ai lu, je me suis rappelé pourquoi j'avais détesté ce livre, et surtout je me suis rappelé pourquoi je me souvenais de rien. Bah parce qu'il n'y a rien, tout simplement. On ne peut pas se rappeler de quelque chose qui n'existe pas. Mmh. Et voilà, c'est particulier. Et moi, je me souviens qu'en plus, l'année dernière, tu m'envoyais des textos en mode « Oh, qu'est-ce que je me fais chier dans ce bouquin, c'est de la merde !» Je déteste ne pas finir un livre, donc du coup, ouais, je voulais absolument le terminer. Mais j'ai souvenir de t'avoir envoyé plein de screenshots de passages que je lisais, qui étaient très mal écrits. Mmh. Et bah justement, tu veux pas nous lire un petit extrait ? Oh bah, oui, bien sûr. Madame, madame, regarde ! Un petit homme, les bras couverts de bracelets, criait dans sa direction de son bateau situé en contrebas. Madame va acheter ! il inclina la tête de façon touchante sur le côté et lui adressa un sourire d'une blancheur parfaite. C'était l'homme le plus nu qu'elle ait jamais vu, vêtu d'un simple mouchoir accroché par une ficelle autour de sa taille. « Oui, s'il te plaît, madame, très beau !» Rose et elle se mirent à glousser, puis se turent soudain. Une rafale de vent avait écarté le mouchoir. Rose, Viva, Miss Snow et le général de brigade Charlie Hawkington virent tous cette chose. Une sorte de tuyau marron entouré d'une toison rougeâtre. C'était énorme. Alors que Miss Snow poussait un cri aigu, la bouche de Thor devint sèche. Ainsi, c'était cela, ce morceau de plomberie masculine, qui avait le pouvoir de susciter la traversée des continents et de ruiner des vies. Rose, une lettre de Jack à la main, détourna le regard. Voilà, c'était donc Viva, Thor et Rose découvrant le pénis d'un indien. Attends, il y a Rose et Jack en plus. Ils sont sortis du Titanic. Oui, c'est vrai que Rose épouse Jack. J'avais oublié de le préciser. Ouais, je l'avais juste réoublié parce que je ne sais plus comment s'appelait le mec. Non, mais la description d'un pénis est extrêmement bizarre, je trouve. Enfin, un morceau de plomberie masculine, ouais, bon. Je sais pas, c'est mal écrit. Bah, c'est bizarre, en fait. Je trouve que ça n'a pas trop de sens. T'as pas un autre extrait qu'on rigole ? Si, si, j'ai un autre extrait, très rapidement. Donc là, pour le contexte, en gros, donc elles sont sur le bateau qui va les emmener aux Indes. Et puis, il faut bien sûr divertir un petit peu toute cette société anglaise. Donc, il y a des soirées, bah, un peu comme sur les croisières. Hein. À mon avis, les croisières, c'est toujours comme ça. Et donc, voici un petit passage. Encore assommée et étourdie par son mal de tête, Viva parcourut rapidement le couloir, avec l'espoir qu'en passant devant la cabine de Thor et Rose, elle ne verrait personne. Un homme lourdement maquillé, vêtu d'une robe, apparut soudain à la porte d'une cabine. Il glissa en la bousculant et s'écria « Pardon !» avec une voix d'idiot. Poussant de petits rires intimidés, d'autres surgirent derrière lui, en costume de clown et parés de boas de plumes. « Espèce de vache !» hurla une femme d'âge mûr déguisée en grille de mots croisés. « Attendez-moi !»« Oh, pauvre chérie !» s'écria le clown, favori jaune et large bouche rouge, en souriant à Viva. Pendant quelques secondes confuses, elle eut la sensation que toutes ces silhouettes étaient produites par la migraine qui s'installait. Puis elle se souvint que la soirée des excentriques avait lieu ce soir-là. Elle avait dit qu'elle y accompagnerait peut-être Thor et Rose. Pendant quelques heures au moins, un grand nombre de passagers de leur corridor se trouveraient dans la salle de bal du pont A. Voilà. Est-ce qu'on peut rediscuter de ce dialogue avec quelqu'un des années 30 qui te sort un espèce de vache dans le couloir et qui est déguisé en grille de mots croisés? Rien que ça, j'ai bugué en me disant comment tu fais un costume grille de mots croisés. Mais franchement, je me posais la question aussi. Puis c'est nul comme costume. Bah oui. Enfin, t'as le droit d'être passionné par les mots croisés, mais je sais pas, c'est trop bizarre en fait. Mais comment tu fais ça, surtout sur un bateau qui doit t'emmener en Inde en genre 3 semaines, 1 mois? Enfin, dans tes bagages, t'as prévu un déguisement qui s'appelle grille de mots croisés? C'est ça que je me suis posé comme question. Bah écoute, visiblement oui, ou alors elle s'ennuyait sur le bateau et c'est fait un costume, hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais voilà, en fait, il y a plein de passages comme ça où je bug et où je trouve ça très moche. Enfin, les dialogues me paraissent moches. Et vraiment, alors, tout le long, il y a un petit côté Christina Cordula, hein, parce que les nanas, entre elles, elles passent leur temps à faire « Oh, ma chérie, oh, mon chéri, oh, vous êtes trop mignon, oh là là, oh, chérie, attends, est-ce que tu as bu du champagne ?» Et je trouve ça insupportable. Et le pire, c'est qu'en fait, j'ai détesté ces héroïnes. Aucune n'a trouvé grâce à mes yeux. En fait, tous les personnages, finalement, dès qu'il y avait des malheurs qui leur tombaient dessus, j'en avais rien à faire parce qu'ils m'insupportaient tellement tous que voilà. Oui. Bref. Vous l'aurez compris, elle n'a pas aimé ce livre. Ne lisez pas ce livre. Alors, on va passer à autre chose. On n'est plus dans du roman. Donc ça, c'était mon autre lecture de l'an dernier. Alors c'est un bouquin qui est en anglais, il n'y a pas eu de traduction française, parce que en fait, donc ce n'est pas un roman, on est plus proche presque du rapport de mémoire ou de thèse. C'est vraiment monté en chapitres comme un cours. C'est quelque chose de plutôt instructif. Donc, ça s'appelle Women of the Raj. Donc, c'est écrit par Margaret Macmillan en 1988. Alors, ça remonte, mais en vrai, ça se lit très bien. Et pour le coup, d'ailleurs, c'était le premier livre que je lisais vraiment entièrement en anglais. Je me suis jamais amusée à lire des romans ou des choses en anglais parce que bah, déjà, l'anglais, j'en lis tous les jours, donc ça me gonfle. Surtout pour les vacances où j'ai pas vraiment envie de réfléchir. Mais là, j'avais envie d'en savoir plus en fait sur le Raj britannique. Ça m'intéressait et surtout, cet ouvrage, il s'intéresse aux femmes. Alors j'ai été un peu déçue parce que j'espérais que ça nous parle aussi des femmes indiennes, mais pas du tout. C'est vraiment concentré sur les femmes britanniques et sur tout ce qui les touche. Donc à cette époque, donc en période de Raj, ça va des années 1800 jusqu'à eh ben, 1947. Et ça va être depuis quel est le poids de l'étiquette et des coutumes en Angleterre, comment se passe le voyage, qu'est-ce qu'on attend d'elles, et quand elles arrivent sur place, c'est quoi leurs tâches, leurs obligations, comment gérer les domestiques, que doit faire une bonne Anglaise, est-ce qu'elles sont oisives, est-ce qu'elles doivent gérer ceci ou cela, et puis arriver en Inde, bah, c'est pas le même climat que l'Angleterre, quoi. Ah bah tu m'étonnes, gros changement. Et donc ça aussi, j'ai trouvé ça hyper intéressant de se dire, bah, d'un seul coup, tu arrives dans une maison où bah, il n'y a pas d'eau courante, il y a les extrêmes chaleurs, après il y a les périodes de mousson, il y a beaucoup d'insectes, puis il y a les serpents, tout ça. On t'explique qu'il faut mettre par exemple des petites coupelles d'eau au pied du lit, en fait, dans les pieds de lit, pour éviter que les insectes grimpent sur les pieds du lit pour venir te chatouiller la nuit. Et ça a l'air tellement hostile. Et puis voilà, tout ce qu'on attend d'elle. Et j'ai trouvé ça hyper instructif, intéressant et très facile à lire. Donc pour le coup, ce livre-là, si jamais l'histoire vous intéresse, allez-y, foncez, c'est très instructif. Pour vous donner quelques infos sur donc l'autrice Margaret Olwen Macmillan, en fait elle est historienne et professeure à l'université d'Oxford au Royaume-Uni. Et voilà, donc elle a été aussi doyenne d'université, professeure d'histoire à l'université de Toronto. Donc voilà, en fait, tu sens que c'est une historienne qui a bien vraiment travaillé et creusé son sujet et qui a décidé d'en faire un ouvrage. Et je vous propose de vous lire, je pense, deux petits extraits pour voir un petit peu les différences. Ou Mélanie, peut-être, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de lecture, veux-tu nous lire un petit extrait? Eh bien oui, avec plaisir, comme ça je découvre aussi. Exactement. Alors, les employés de la Compagnie des Indes orientales prenaient des maîtresses indiennes. Pire encore, du point de vue des directeurs ardemment protestants de la compagnie, ils épousaient des catholiques, filles ou veuves des Portugais. Pour sauver les âmes de ces hommes, la compagnie pendant un temps joua les entremetteuses. À la fin du XVIIe siècle, elle envoya des contingents de jeunes femmes de Grande-Bretagne en Inde. Celles-ci, divisées entre jeunes filles de bonne famille et autres, se voyaient remettre chacune un trousseau et elles étaient entretenues pendant une année, laps de temps suffisant, pensait-on, pour qu'elles puissent se trouver un mari. Certaines n'y parvenaient pas. La compagnie tentait alors de nier toute obligation ultérieure envers elles. Très injustement, elle leur demandait également de respecter une certaine moralité. Tandis que certaines de ces femmes sont devenues une honte pour notre pays, pour la religion et les intérêts du gouvernement, disait une lettre de Londres au gouverneur adjoint de Bombay en 1675, nous vous demandons de les mettre en garde comme il se doit, afin qu'elles s'appliquent à tenir un langage plus sobre et plus chrétien. Si cet avertissement ne produisait pas l'effet souhaité, les femmes étaient mises au pain et à l'eau et renvoyées en Grande-Bretagne. Voilà, donc effectivement, ce qu'on apprend par exemple dans cet ouvrage, c'est que au départ en Inde, il n'y avait vraiment que des militaires, c'est-à-dire qu'il y avait eu la conquête du territoire, c'est rentré dans l'Empire, donc on n'avait que des soldats. Sauf que bah, sur place, le problème c'est que les soldats ayant des besoins, et bah, on ne va pas se mentir, à mon avis, ils kidnappaient ou violaient hein, plus qu'ils séduisaient les Indiennes. Sauf que forcément, pour l'Empire britannique, ça a été extrêmement mal vu, c'était pas tolérable de se dire que des soldats britanniques pouvaient entrer en concubinage avec des indiennes et faire des enfants en plus métis qui n'étaient pas du tout reconnus par l'Empire. Donc ils se sont dit, ok, on va faire des bateaux entiers de jeunes filles qu'on va soit marier à distance au départ, comme là pour Rose, et qu'ensuite on envoie vers leur mari en disant, bonjour, voilà, ça c'est ton époux, ça c'est ta femme, comme quoi les mariages arrangés, hein, c'était partout. Ou alors juste on les mettait dedans, elles débarquaient, et effectivement, comme elles étaient en sous-nombre par rapport au nombre de soldats, donc elles étaient très courtisées, donc en fait, il y avait un côté un peu plaisant au départ, c'est-à-dire qu'elles étaient vraiment très très courtisées. Enfin, c'était une chasse, quoi. C'était à qui réussirait à choper une épouse britannique. Parce que elles étaient moins nombreuses. Et puis, voilà, c'était du bétail. C'était un peu le marché. Hein. C'était bon, bah, les mecs, bientôt, il y a un bateau qui va débarquer avec des nanas. Préparez-vous. C'est ça, soyez au taquet, préparez l'argent, va falloir séduire, vous allez peut-être pouvoir en choper une. Et effectivement, il y en a, ils n'arrivaient jamais à avoir d'épouse britannique, donc ils rentraient en concubinage avec des indiennes. Et effectivement, il y a eu en plus des enfants donc métis. Et le problème, c'est que ces enfants métis étaient reconnus par aucune des deux communautés, ni par les britanniques, ni par les indiens. Donc autant vous dire qu'ils étaient dans une position ultra délicate. Et qu'ils ont subi énormément de discrimination, quoi. Mais voilà, c'est... Non, puis moi, ce que j'adore, c'est les jeunes filles de bonne famille et les autres. Genre les autres, quoi. T'as l'impression que c'est... Ah, on est à la limite de la prostituée. Ouais. Ouais, c'est genre... ouais. C'est genre, hey, toi, dans la rue, on va te trouver un mari en Inde, allez hop. C'est ça. Alors, je vais vous faire un autre petit extrait. Les domestiques étaient traités avec fermeté et une vigilance constante. Comme dans Harry Potter avec le mauvais folleuil. Une bonne Memsahib avait ainsi de bons serviteurs en les gardant constamment sous surveillance. Et de manière tout aussi importante, cela renvoyait aux autres un bon message. Une maîtresse désorganisée, disait le guide de l'accomplie maîtresse de maison des Indes, aura invariablement des domestiques oisifs. Si une même Saïb perdait le contrôle de sa maison, cela ne pouvait être que pour les mêmes raisons qui conduiraient l'Angleterre à perdre un jour le contrôle de l'Inde. Si les domestiques se conduisaient mal, ils devaient être immédiatement corrigés. C'était une erreur cependant d'être trop sévère. Après tout, les Indiens péchaient souvent, car ils étaient ignorants par nature. Soyez patiente avec vos serviteurs, conseillait la fiancée britannique The English Bride, et traitez-les plus ou moins comme des enfants, qui aiment être félicités, et non comme des machines. Les femmes britanniques, et elles n'étaient pas rares, qui criaient et battaient leurs serviteurs, étaient considérées comme abîmant le prestige et la dignité de la race dominante. Pardon? Ok, donc en gros, on te dit que les Indiens sont un peu concons, qu'ils sont comme des enfants, qu'il faut tout leur expliquer, il ne faut pas être trop sévère pour pas les brusquer, il ne faut pas les battre parce que sinon, ouais, tu perds ton prestige et que tu es la race dominante. Ok. Bah, c'est ça, en fait, on te dit que c'est à mi-chemin. Bah, c'est des indigènes, c'est des sauvages, tu comprends bien qu'ils n'ont pas la bonne éducation, ils n'ont pas la bonne religion, et c'est à mi-chemin entre des chiens, quoi. C'est-à-dire, faut bien les dresser, mais faut pas les frapper. Enfin, franchement, c'est à ça que ça ressemble, en gros, ce qu'on te dit. Et je vous propose quand même un dernier extrait. Mélanie, si tu veux nous le lire. Je le trouve très intéressant, c'est sur les jeunes filles et la façon dont elles sont considérées. Et voilà, vous allez voir qu'on est bien contents d'être en 2020, moi je vous le dis. Voilà, j'ai peur. Alors, Ethel Savy, qui a grandi à Calcutta juste après la mutinerie, rappelait qu'une jeune fille devait savoir jouer du piano ou être considérée comme inéligible au mariage et à une vie sociale. Au XXe siècle, les sports comme le golf et le tennis supplantèrent le piano. La fille d'Ethel Savy, Dora, pardon, fut d'ailleurs bien courtisée, car elle montait bien à cheval, était présente aux événements des dames, se révélait bonne joueuse de tennis et une partenaire utile au bridge. Savoir coudre était tout autant un atout qu'un hobby convenable, de même que savoir dessiner. Les jeunes filles nées en Inde apprenaient également comment tenir une maison en aidant leur mère à répartir les tâches entre les serviteurs et à superviser les domestiques. En revanche, ce qui n'était pas attendu était qu'une femme soit trop éduquée. En 1920, lorsque la tante de John et Rumer Godden suggéra que les jeunes femmes étudient l'algèbre, la géométrie et le latin, la réaction de leur père fut immédiate. C'est absurde, les filles n'ont pas besoin d'apprendre ce genre de choses. Un observateur désenchanté écrivit que le résultat d'une telle éducation conduisit à ce que les ambitions d'une femme se résument à être douée au tennis, à être une bonne danseuse et une bonne compagne de discussion. Victor Jacquemont, un jeune Français critique qui fit le tour de l'Inde en 1930, prêchait « Que Dieu me préserve d'avoir une épouse britannique ». Tout aussi important, les jeunes filles ne devaient jamais avoir entendu ni su quoi que ce soit à propos du sexe. C'était là peut-être l'une des raisons pour lesquelles les parents de jeunes filles vivant en Inde étaient fortement récalcitrants à ce qu'elles apprennent les langues locales. Qui sait ce qu'elles auraient pu apprendre de fâcheux ? L'innocence, comme le décrivaient les Britanniques, était vivement valorisée et repoussée jusqu'au moment fatidique. La mère d'Ethel Savy, mariée à 15 ans en 1855, fut précautionneusement offerte pure et immaculée. Après la nuit de noces, le fiancé envoya d'ailleurs à sa belle-mère un courrier empli de reconnaissance. Voilà, ouais, je vous ai pas mis la suite, mais en gros, le fiancé a envoyé une lettre à sa belle-mère en disant qu'il était très content parce qu'elle ne connaissait rien, qu'elle était maladroite et qu'effectivement, elle s'était révélée, en plus, elle a 15 ans hein, quand même, mais vraiment pure et vierge de toute idée de qu'est-ce qu'une nuit de noces, qu'est-ce que le sexe, et voilà. Ah, mais c'est super! Non, mais c'est horrible parce que t'as vraiment l'impression que, tu sais, on envoie des gamines, mais au casse-pipe, quoi. C'est genre, tu sais pas ce qui va se passer, mais t'imagines le stress pour une gosse de 15 ans. Allez hop, c'est ton fiancé, maintenant tu vas faire la nuit noce, mais tu dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui va me faire? C'est horrible, je trouve. Mais c'est surtout qu'en plus, à cette époque-là, ces jeunes filles ne partaient pas en famille. Mmh. On les mettait dans un bateau, on leur disait, voilà, tu vas partir avec un chaperon ou avec d'autres jeunes filles dont l'objectif, ça va être ça, d'être envoyée là-bas pour trouver un époux ou pour rencontrer pour la première fois son époux. Elles ont 15 ans, elles connaissent rien de la vie, on leur dit qu'elles vont partir à 3 semaines, 1 mois de bateau en Inde, dans un pays où on t'explique que c'est quand même avec des... Ils sont loin, il n'y a pas d'infos, on te dit c'est un pays sauvage, il y a la jungle, il y a des indigènes, ils sont mal éduqués, et puis en plus, les hommes sont des sauvages qui agressent les blanches, etc. Enfin, t'as l'impression qu'elles partent en enfer, quoi. Ah oui, non mais... Et voilà, et après t'arrives sur place et tu dois tout découvrir, et puis bon, voilà. Ouais, donc t'es toute seule, t'as plus ta famille, et tu te retrouves mariée avec un mec que tu ne connais pas et qui va te faire des choses dont t'as jamais entendu parler. Voilà. Ah, c'est génial. C'est ça. Et après, et donc quand elles arrivaient là-bas, la première chose qu'on leur donnait, c'était genre une espèce de bible. Hein. C'était le bouquin de la parfaite ménagère, quoi, de la parfaite gardienne de maison, de comment gérer ses domestiques, qu'est-ce qu'il faut faire à manger, c'est quoi les activités. Et puis voilà, on t'apprend qu'une fille, elle ne doit pas faire des études, elle doit savoir tenir une discussion, jouer au tennis, dessiner. Et en fait, tu te dis, mais sur le coup, quand tu regardes des films ou des séries, par exemple, si vous vous êtes intéressé, il y a la série britannique, c'était la BBC qui avait fait Indian Summers, donc c'est sur les années 1930. Sur le coup, ça paraît très beau, tu sais, ça fait des paysages très luxuriants, ils ont des belles tenues, etc. Mais en vrai, quand tu t'y intéresses et que tu regardes là les écrits plutôt historiques, tu te dis, mais c'est un enfer, qu'est-ce que tu t'emmerdes ? Parce que souvent les époux, ce sont des soldats, donc déjà ils bougent avec leur régiment, ou alors ce sont des gens qui gèrent des plantations de thé, et ça c'est sur des hectares et des hectares. Donc en fait, tu finis dans une maison avec que des domestiques indiens ou indigènes, comme on disait à l'époque, un mari, et puis c'est tout. T'as pas d'amis, t'as pas de famille, et toute ta journée, faut s'occuper entre gérer la maison, les domestiques, et puis faire en sorte de pas se faire chier. Donc tu joues du piano et tu dessines. Wouhou ! Ah, c'est une vie de rêve, hein, vraiment. ça donne vachement envie. Hein. Ah bah, tu m'étonnes. Eh ouais, même pas de Netflix pour s'occuper. Hein. Non. Ouais, même pas de Bollywood à regarder. Quelle angoisse. Oh putain. Ouais. Donc voilà, si jamais vous avez une âme un petit peu d'historien ou d'historienne, je vous le recommande vivement. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et voilà, foncez trouver Women of the Raj de Margaret Macmillan. Mm-hmm. Donc voilà, et bien écoutez, on vous a fait nos petites reviews sur 4 bouquins. Pour cet été, dont un à éviter absolument. Ça, on l'aura compris. Ouais, sauf si vous avez l'esprit de contradiction, un peu comme Mélanie, que vous avez envie de le lire quand même pour dire à quel point je suis de mauvaise foi. Ah non, mais j'ai pas envie de le lire. mais voilà, on espère du coup quand même que cet épisode un peu hors série vous aura plu, vous aura inspiré, ou en tout cas, donner envie de lire pour cet été. Venez nous raconter vos lectures. Si vous connaissez d'autres livres qui portent sur l'Inde, on est preneuse. Moi, ça m'intéresse aussi. Et puis, voilà. Passez un très bon été. Peut-être que nos podcasts vous accompagneront pendant les vacances. En tout cas, on a prévu suffisamment d'épisodes pour que vous en ayez pendant toutes les vacances d'été. Donc voilà, peut-être que ça accompagnera vos longs trajets sur l'autoroute ou sur la plage ou au bord de la piscine, peu importe. Mais voilà, passez un très bel été et nous, on se retrouvera à la rentrée. Très bon été à tous! जन्म जन्म जन्म साथ चलना ही तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं